ok les gros, c'est du GTA, Insomniac, nouvelle formule. C'est pour Sparko, DJ Vonce, si la famille, les frères. Ok, je suis insomniaque depuis le jour où mes rêves n'aboutissent plus. Ça m'arrive aussi, mon cœur s'échire tout comme un bout de tissu. La déception est telle, gros, mais n'ai-je vraiment pas le choix? Mes seuls neurones utiles font une grosse bataille de polochon. Je passe mes réseaux au téléphone à partir de 22. Le matin, je suis KO, je promets de changer à partir de 22. C'est la même histoire, gros, je suis grave fatigué tous les jours. Marchant le sable, tu te la joues. Dis-moi pourquoi ma nuit tu la gères. J'ai bien l'impression que tu prends tes extas, mon frère, en crédit. Putain de merde, tu comprends pas, tu fais flipper comme Freddy. Donc je suis tétanisé sous ma couverture. Je devrais peut-être analyser, mais ma colère dure. Mais quoi lui dire, gros, à part que j'ai besoin comme Pimpronel de ses services pour dormir. Et ouais, nounours n'est pas trop net. Je peux pas compter sur toi, et en plus j'ai boycotté les somnifères. Sans la faire à l'envers, je suis condamné à l'insomnie, frère. Je ne dors plus à cause des coups de coude donnés par le croque-mitaine. Je ne dors plus, arrêtez le somnifère avant que le crack m'achève. Je ne dors plus, ma force je connais par cœur, histoire naturelle. Je ne dors plus, et dis-moi si les caches t'ont hausse ton intérêt. Je ne dors plus à cause des coups de coude donnés par le croque-mitaine. Je ne dors plus, arrêtez le somnifère avant que le crack m'achève. Je ne dors plus, ma force je connais par cœur, histoire naturelle. Je ne dors plus, et dis-moi si les caches t'ont hausse ton intérêt. Dans ma tête, c'est les soucis, entreprise et compagnie. Mon bonheur dort plus chez moi, mais dans les hôtels compagnie. Mon amour squatte les fins, mes larmes sont dans mon sperme. Sûrement ému, j'ai jamais dit à ces putes qui me lavent la pipe que je les aime. La nuit, je traîne sur les forums avec mes potes, mes théorèmes. Les théorèmes, je suis pas carré malgré des heures aller au fort. Mes rêves sont dans les cônes, dans les étoiles, à rôder. Mes cauchemars sont des cosmonautes, l'arrache me tue au guerre. Je suis insomniaque et j'ai la niaque, comme mon 2 litres dans l'Astra. Comme mes frères Sunax, la nuit on baisse, la jumelle du Dounia. Illicite dans les machines, le shit chante les berceuses, on flambe dans les bolides. Option avec les crasseux, je raconte ma Yves Poto, mais nous console comme du diesel. Je dois mes peines sur page A4 pendant que mon rub sur une autre GRC. Ça me fatigue cette insomnie plongée dans les soucis tracas. À bout de souffle, j'en transpire, me déshydrate dans le païtra. Je ne dors plus à cause des coups de coude donnés par le croque-mitaine. Je ne dors plus, arrêtez le somnifère avant que le crack m'achève. Je ne dors plus, enfin je connais par cœur, histoire naturelle. Je ne dors plus, et dis-moi si les caches t'ont hausse ton intérêt. Je ne dors plus à cause des coups de coude donnés par le croque-mitaine. Je ne dors plus, arrêtez le somnifère avant que le crack m'achève. Je ne dors plus, enfin je connais par cœur, histoire naturelle. Je ne dors plus, mais dis-moi si les caches t'ont hausse ton intérêt. Madame sommeil de sa liste aimerait sûrement nous rayer. Cette putain de vie me fait baver, ça se voit sur mon oreiller. Je ne dors plus, je ne dors plus. J'suis débordé et ça devient bordélique pour m'endormir. Je bois des litres de bordelais au bord du lit. Merde, merde, si t'es dans mon cas, apparemment t'es mal. Et maintenant mon matelas sent plus le barreau matinal. De vieille berceuse, moi j'en ai marre que la mort chante ça. Je trouve plus le sommeil vu qu'on a tué le marchand de sable. Pour m'endormir, je me mets des baffes et je goûte les matos. Et puis je compte les moutons avant que les bombes viennent combler ma tombe. Et même si la nuit nous joue de satanés tours, je préfère veiller avec une pute que dormir avec une syntonie douche. Ouais. C'est triste à dire, mais moi je ne trouve pas le meiso. Même en pleine journée, dans le noir, la maison. Vu que les nuits sont longues, à petit pas je vis. Mais trop souvent seul, vu qu'ici les filles n'aiment pas tes poches vides. Yeah.